tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Philosopher en bande organisée, une série d'Élise Gruau réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a le confinement qui nous isole, les idées qui se dessèchent, nos vies qui s'étiolent et le plaisir de réfléchir ensemble et pourquoi pas de penser en marchant, entre amis, dans le vent, les feuilles ou sous la pluie. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui regarde la terre, une philosophe qui pense avec la nature, une anthropologue qui se décentre et un homme dans son élément. Ensuite, le décor. Des arbres, des averses, un petit chien, des rivières, des grenouilles, le changement climatique, des fleuves qui portent plainte, le souffle, l'agriculture, le bruit des vagues, du collectif de la joie et un glacier qui parle. Aujourd'hui, 4e épisode, on tend l'oreille autour de soi. La philosophie a été toujours une tentative de faire parler les mondes, donner la parole au monde, pour embrasser quelque chose de plus vaste. Pour donner à cet ensemble les statuts presque d'un sujet, plus que d'un objet. Donner à nouveau la parole au monde, à la terre, peut-être la philosophie en tant qu'attitude est la seule voie pour redonner ces statuts de sujet qui parle et qui pense à la terre, à la planète, au cosmos en fait. Penser à travers champs. Renouveler notre rapport collectif au monde. Depuis plusieurs années, les philosophes sortent de plus en plus souvent au grand air. Loin des objets traditionnels de la philosophie, ils se sont mis à travailler avec des oiseaux, des loups, des forêts, des rivières, des montagnes. Ils ont emprunté de nouveaux itinéraires pour penser le monde et notre rapport à la nature. Influencés parfois par leur connaissance de mondes lointains et de collectifs indigènes, mobilisés par la crise environnementale, leurs approches pluralisent les réponses que nous pouvons apporter aux crises que nous traversons. La philosophe des sciences Isabelle Stengers a repris le nom de Gaïa, donné par les biologistes James Lovelock et Lynn Margulis, pour désigner la Terre dans notre moment historique, cette planète qui se manifeste comme une protagoniste qu'on n'attendait plus. Et qui nous oblige enfin, peut-être, à sortir de nos cadres de pensée. Ce qui m'intéressait dans reprendre Lovelock, c'était que c'est un nom qui a à voir avec la science. Or, je crois que c'est intéressant que, quand on va vers cette catastrophe qui concerne tout le monde, on sache que c'est à la fois nous qui sommes à l'origine, c'est pas Anthropos, c'est pas l'homme, c'est les humains modernes et aussi créateurs de sciences modernes. Donc c'est de nous qu'il s'agit, c'est notre histoire de progrès que Gaïa vient bouleverser. La scène de nos histoires, les autres peuples n'ont pas les mêmes histoires, c'est chez nous qu'elle fait intrusion dans notre manière de concevoir notre histoire. Et c'est aussi les sciences moderne, qui nous donne les moyens de savoir pleinement ce qui se passe et ce qui nous attend. Donc elle est deux fois notre. Et ça veut aussi dire que nous ne pouvons pas parler de terre-mer, etc., parce qu'on a perdu les ressources spirituelles pour que ça ait un sens. Nous n'avons pas respecté. Nous, modernes, ne pouvons pas dire que la terre est notre mère. Ou alors on est des matricides. Mais on ne se vit pas comme des matricides. Donc, pour nous, elle est un agencement de forces physico-chimiques et d'agencements vivants. C'est tout ce qu'on mérite. Et donc, Gaïa, elle est... on ne peut pas la prier. On ne peut pas lui accorder des intentions. On ne peut pas se réconcilier avec elle. Elle est de la physico-chimie, plus de la biologie, etc. C'est tout ce qu'on mérite. Et donc, le point est... Nous ne pouvons pas répondre à Gaïa, mais Gaïa nous impose un problème. Comment allons-nous répondre au problème que Gaïa nous impose? Donc c'était une manière de centrer ça pour respecter la différence avec des peuples pour qui le rapport à la Terre est essentiellement différent. Nous sommes désormais une force géologique de grandeur comparable aux chaînes de montagnes, aux volcans, à l'érosion. Question brutalité, c'est nous, les modernes, qui en avons gorgé notre âme, au point là encore de rivaliser avec la nature. Dans la grande clôture où nous sommes maintenant claquemurés, un œil est posé sur nous. Mais ce n'est pas celui de Dieu, c'est l'œil de Gaïa, nous contemplant bien en face, en pleine lumière. Impossible désormais de rester indifférent. Désormais, tout nous regarde. Le capitalisme est irresponsable, totalement incapable de penser avec les conséquences de ce qu'il fait. Par contre, il faut nous demander qu'est-ce qui nous a pris. Qu'est-ce que c'est que ce monde moderne où nous avons appris à ne pas faire attention aux conséquences? Comment réapprendre à faire attention? Je parlais déjà à ce moment-là de ces groupes qui prennent les problèmes en main. Ceux-là, ils font attention. Catherine Larère, vous êtes philosophe. Vous avez écrit « Penser et agir avec la nature » avec Raphaël Larère. Pourquoi est-ce important de penser la nature avec la nature ? Toutes les questions environnementales ont fait surgir des questions nouvelles qui demandent de reconsidérer les catégories. Le terme de nature, en gros, on sait ce que c'est, quoi. Et nous autres philosophes, on est là pour dire, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot ? Une des grosses difficultés qu'on a actuellement dans les problèmes écologiques qu'on a, c'est d'avoir toujours pensé dans ce qu'on appelle une vision dualiste, c'est-à-dire avoir posé l'extériorité de la nature par rapport à nous. Donc cette dualité hiérarchisait le rapport entre l'homme et la nature, mais dans un premier temps, et ça a été très net dans le développement de la réflexion éthique sur l'environnement au début, on s'est contenté d'inverser. C'est-à-dire de dire la nature, elle existe par elle-même, elle a une valeur que nous devons respecter. L'idée de protection de la nature surgit en fait des deux côtés de l'Atlantique dans la deuxième moitié du 19e siècle, en même temps qu'il y a la création des parcs nationaux aux États-Unis, Yellowstone, Yosemite. Vous avez protection de séries paysagères en France, donc c'est à peu près au même moment. Mais les parcs nationaux américains sont devenus une référence du fait de la puissance américaine et du fait que on y a le spectacle d'une nature très impressionnante, bon, les grands canyons de la zone montagneuse de l'ouest des États-Unis. Et donc, c'est les Américains ont un peu imposé l'idée, alors c'est ce qu'ils appellent en anglais wilderness, l'idée qu'on protégeait une nature sauvage qui était complètement à l'abri et qui était préservée, hein, c'est le terme anglais preservation, qui était préservée à l'abri des incursions humaines. Et c'est typiquement l'idée dualiste. En particulier pour les États-Unis, c'est une idée fausse, parce que cette nature qu'ils protègent, c'est une nature dont les Indiens sont partis parce que les Indiens sont morts. Et que si les Indiens sont morts, c'est que l'Amérique du Nord a été colonisée et que 9/10 de la population autochtone est morte. Donc c'est une idée fausse. En plus, ces parcs sont des fenced parks, des parcs enclos, et que c'est une sorte de mise sous tutelle d'une nature qu'on protège. Donc là aussi, c'est contradictoire avec l'idée même d'une nature sauvage. Et donc, à partir de là, de développer une autre idée de la protection de la nature, centrée plus, non pas sur une référence à une nature sauvage inexistante, mais plutôt une référence à le plus de biodiversité possible. Ce qui n'implique pas forcément l'interdiction de la présence humaine, même si on peut la contrôler, même, etc. Toute la question écologique actuelle, c'est l'impossibilité de séparer entre ce qui est naturel et humain. Si on prend le changement climatique, c'est typiquement à la fois des processus naturels, en même temps que c'est le résultat d'actions humaines. Donc ça n'a pas de sens de penser à part la nature et l'homme. Ça, il y a cette critique de Bruno Latour. Il y a la critique de Philippe Descola, qui est une critique qui vient, si je peux dire, d'autres cultures, qui montre justement cette vision dualiste. n'existe que pour l'Occident. Alors l'Occident a un peu envahi le monde avec l'ensemble du monde, avec sa façon de voir les choses, mais il y a d'autres façons où on ne pose pas une extériorité entre ce qui serait naturel, physique, extérieur, et ce qui serait humain, intérieur, spirituel. Cette pensée moderne de la dualité homme-nature est aussi une pensée extrêmement individualiste, qui a du mal justement à penser le collectif. Et c'est pourquoi on a vu, contre les conséquences de cette façon de faire, ressurgir la notion de commun. L'idée qu'on n'est pas individuellement propriétaire, ça peut être une appropriation collective, des communs, donc des choses dont on a l'usage, mais qu'on ne peut pas détruire. Alors sur le rapport à la nature, est-ce qu'on peut se poser qu'on peut avoir des rapports de partage avec des entités naturelles? Avec des animaux, c'est très facile d'arriver à penser ça. Et donc souvent, j'essaie de présenter ça en reprenant ce qui a été un des slogans, mais c'est un slogan fréquent, mais c'était un des slogans de ceux qui s'étaient mobilisés à Notre-Dame-des-Landes. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Donc pensez à une appartenance qui n'est pas une séparation. Une relation qui ne passe pas par une séparation préalable. Ça, c'est très important. C'est un mouvement de pensée qui a été très novateur ces dernières années, ces dernières dizaines d'années. Oui, je pense qu'il a été très novateur parce qu'il est sorti un petit peu de l'enfermement dans la pensée occidentale. Justement, grâce à des gens comme Descola, mais aussi il y a d'autres anthropologues, Viveiro de Castro ou Tim Ingold, on est un petit peu passé par l'extérieur de la pensée occidentale pour penser autre chose dans la pensée occidentale. Je pense que ça a permis cette redécouverte des communs, cette idée d'une appartenance qui n'est pas une fusion, donc d'une pensée effectivement plus complexe. Nastassia Martin, vous êtes anthropologue, spécialiste des mondes arctiques, dans lesquels vivent des populations animistes, c'est-à-dire qui ne voient pas l'humain séparé de la nature, mais au contraire le considèrent dans une relation de transformation réciproque permanente avec son environnement. Comment vos recherches sur ces mondes lointains et ces populations inspirent votre réflexion sur les enjeux environnementaux qui se posent aussi ici, en France et notamment dans les Alpes en haute montagne, où vous vivez actuellement ? Travailler avec des collectifs indigènes qui se trouvent aux avant-postes de la crise écologique et du changement climatique et qui ont des manières de s'y relier qui sont très différentes des nôtres, je dirais que c'est d'abord un moyen de se décentrer. Se décentrer et essayer de penser, de réfléchir à travers un prisme ontologique qui n'est pas le nôtre. Et faire ça, ça peut nous permettre d'infléchir d'abord nos pratiques individuelles, existentielles, ici même. Et pourquoi pas, à la lumière des modes d'organisation collectifs indigènes, peut-être d'infléchir aussi nos institutions ici, au sein de la modernité. On peut dire à bien des égards que la crise écologique que nous traversons, je ne sais pas si elle est d'abord due, mais en tout cas elle est aussi due à une crise ontologique, c'est-à-dire à une crise de notre rapport au monde. Là, on est en train de se rendre compte que ce qu'ont créé les conditions de production de notre modernité, c'est un monde qui devient invivable, irrespirable, au sens premier du terme. Où, comme dit Bruno Latour, nous sommes tous en train de se demander quand est-ce qu'on pourra recommencer à respirer. Il est au fond de toutes nos expériences. Ce n'est pas une substance. Il ne recèle pas en soi la nature des choses. Il n'est pas non plus un écho tardif qui s'ajoute une fois l'expérience accomplie. C'est un mouvement rythmé, régulier et inlassable, une vague sans bruit qui va jusqu'au bout de l'horizon et revient vers nous pour se briser sur nos corps et exploser dans nos poumons. Sans lui, rien ne serait possible dans notre vie. Tout ce qui nous arrive doit se mêler à lui, avoir lieu dans son enceinte. Le souffle est la première activité de tout vivant supérieur. la seule qui peut prétendre se confondre avec l'être. Vivre, c'est respirer et embrasser en son propre souffle toute la matière du monde. Cette situation sanitaire, ce ne sont pas les collectifs indigènes d'Amazonie, ni ceux du Grand Nord, ni ceux d'Asie du Sud-Est qui l'ont créé. Ce sont les sociétés industrielles avec tout ce qu'on connaît de pollution, etc. Et on est quelques anthropologues à avoir dit depuis plusieurs années, attention, ces avant-postes sont là, et quelque part, nous n'allons pas être épargnés. Et c'est pas du catastrophisme, c'est juste que si ces métamorphoses sont en train d'arriver dans les régions les plus sensibles, entre guillemets, au niveau des milieux écologiques de la planète, que ça soit dans les grands nord, dans les grands sud, dans les zones tropicales ou dans les zones de haute montagne, il y a un moment où cette instabilité écologique et climatique va déborder ces avant-postes. Nos contemporains sont en train de se rendre compte que, oui, eux aussi vivent dans un monde rempli d'incertitudes, d'instabilité, qu'ils ne savent pas ce qui va se passer demain avec ce virus. On avance quelque part complètement en aveugle et on n'est plus du tout sûr même de pouvoir reproduire les moyens de notre survie corporelle. Et ça, c'est une situation à laquelle sont confrontées les populations indigènes du Grand Nord avec lesquelles je traverse depuis très très longtemps, parce qu'ils font face aux conséquences de la crise écologique et climatique qui a des effets très concrets sur leurs moyens de subsistance. Les animaux qui ne sont plus là, les berges des rivières qui s'effondrent, les feux de forêt, etc., etc. Voilà, ça témoigne de cette incertitude écologique, de cette instabilité qui est en train de monter, plus seulement pour des populations vulnérables et précaires qui vivent au contact direct de ces environnements et qui du coup meurent lorsque ces milieux se meurent, mais nous-mêmes ici, nous nous rendons compte que peut-être nous ne sommes pas aussi en sécurité que nous pensions l'être. Et ça, c'est nouveau et ça fait peur. Et quelque part, ça pétrifie, un peu comme face à la méduse. On est un peu stupéfait, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi penser, on ne sait plus quoi penser. Et c'est pour ça qu'il me semble que continuer de faire l'expérience du décentrement en passant par le prisme de sociétés lointaines qui ont déjà fait l'expérience de cette incertitude, continuer de faire l'expérience de ce pas de côté me semble absolument indispensable à l'heure actuelle, parce que en nous-mêmes, aujourd'hui, au sein de la modernité, je ne pense pas que seuls, avec notre ontologie naturaliste, nous disposions des clés de sortie pour sortir de cette crise. Au contraire, je pense qu'il faut multiplier les prises, faire appel à la diversité des collectifs, c'est-à-dire des modes d'être au monde qui existent, laisser résonner en nous ce que peuvent faire des collectifs qui voient les entités naturelles instables autour d'elles de manière différente que nous les voyons, qui s'y relient de manière différente, laisser résonner ça et voir si ça peut nous déplacer intérieurement ou pas, si ça peut nous aider à nous ici recréer des collectifs sur d'autres bases que celles auxquelles nous sommes habitués ou que celles qu'on nous a apprises aussi. Quelle est cette histoire du fleuve auquel on a reconnu des droits ? Alors, si vous voulez, c'est l'idée que des entités naturelles pourraient, au même titre que les humains, avoir des droits, c'est-à-dire ne pas être traitées comme des choses, ne pas être traitées comme des objets, mais être traitées comme des personnes à qui on peut faire un tort, à qui on peut faire du mal, et qui donc peuvent être représentées en justice. Alors, bien évidemment, un fleuve ne va pas se déplacer au tribunal, mais il pourrait être représenté en justice comme un tort qui a été fait à cette entité même et pas indirectement aux humains. Le point de départ de toute cette réflexion, c'est dans les années, à la fin des années 70, en Californie, où il y a un projet de la société Walt Disney d'établir une station de ski dans une vallée californienne, ce qui aurait entraîné la destruction de quantités de séquoias. La vallée était célèbre pour ses séquoias. une grande ONG de protection de la nature, le Sierra Club, qui attaque. Et le tribunal répond en disant « mais le Sierra Club n'est pas personnellement lésé dans cette affaire ». Et qui donc est débouté au tribunal. Et donc ça va en Cour suprême, comme ça se passe aux États-Unis. Et à ce moment-là, un professeur de droit dans une université californienne, Christopher Stone, réfléchit et se dit « mais au fond, si les arbres eux-mêmes pouvaient aller en justice, s'ils pouvaient plaider en justice, eux, on leur fait un tort. » Et donc, à ce moment-là, on pourrait interdire le projet de station de ski sans qu'on soit obligé de passer par la médiation d'une association qui dit « on est lésé dans nos conceptions de la nature », etc., etc. La requête est donc allée en Cour suprême aux États-Unis, qui a continué à débouter le Sierra Club. Mais l'idée a fait son chemin parce que, comme ça se passe à la Cour suprême, il y a eu ce qu'on appelle une opinion minoritaire. Et en particulier, le juge Douglas, qui est très connu pour ses prises de position environnementales, a défendu l'idée de Stone que les arbres puissent plaider en justice. Et à partir de là, l'idée a fait son chemin. Que finalement la vieille distinction héritée du droit romain entre les personnes et les choses n'était peut-être pas si rigide que ça, et de même qu'on pouvait reconnaître qu'une entreprise est une personne morale au sens juridique du terme, c'est-à-dire peut être représentée en justice, ben on pouvait reconnaître que soit des êtres vivants, soit des ensembles. Par exemple, dans la constitution équatorienne, Pachamama, la terre, est reconnue comme ayant des droits. Et puis, on en a beaucoup parlé, je crois que c'est en 2017 ou 2018, je ne me souviens plus exactement. En Nouvelle-Zélande, il y a une communauté autochtone de Maoris qui est restée assez puissante. Un groupe ethnique de cette communauté, les Whanganui, tirent leur nom ou qui donnent leur nom à un fleuve, ont obtenu que ce fleuve, le Whanganui, qui est donc un fleuve de Nouvelle-Zélande, soit reconnu comme une entité juridique ayant des droits et donc pouvant aller en justice, pouvant se plaindre de torts qui lui avaient été faits à elle, à cette entité, et que des dommages lui soient payés à elle. Et bon, depuis, ça continue à progresser. C'est l'idée que des entités naturelles, puisqu'elles peuvent être lésées, on peut tenir compte de ce dommage qui est fait à elles et non pas à leurs propriétaires ou à ceux qui vivent sur le terrain, et que donc s'il y a des dommages et intérêts, ça soit fait à elles, ces entités, et pas aux propriétaires, etc. Et on sait que c'est un problème qui s'est posé par exemple à chaque fois qu'il y a eu des marées noires. L'idée, et Corinne Lepage, qui a été ministre de l'écologie en France, a s'est beaucoup fait connaître en défendant justement après une marée noire en Bretagne, l'idée qu'il y avait, bon, ce qu'on appelle maintenant le dommage écologique, était fait, non seulement, voilà, les gens en souffrent, si on vient en Bretagne et que la côte est polluée, on en souffre, mais que la côte elle-même en souffrait, et que donc il fallait prendre en charge ce dommage directement. Mais on peut se dire qu'il n'y a pas seulement des êtres vivants, mais aussi des ensembles naturels. C'est pour ça que je vous disais, un fleuve, finalement, c'est important, parce que c'est pas un être vivant, et en même temps, c'est un ensemble naturel dans lequel il y a quantité d'êtres vivants. Que peut obtenir un fleuve comme dommage et intérêt, un fleuve qui se porterait en justice pour défendre sa cause? Par exemple, s'il y a eu des dommages de fait, qu'on restaure ses berges, qu'on supprime des barrages, donc qu'on réaménage son cours, qu'on refasse des méandres. Donc il peut demander une amélioration de sa façon de fleuve de faire qui soit pas forcément un bénéfice immédiat pour les riverains, mais qui améliore son cours. Il peut aussi, étant donné qu'un fleuve, on peut dire, c'est un ensemble d'écosystèmes, hein, ça peut être aussi les poissons qu'il y a, donc qu'on permette à des poissons de revenir, ou un type de végétation, qu'on revégétalise les berges, ce genre de choses. Par l'intermédiaire de ça, on commence à se poser des problèmes sur ce qui se passe, nous, dans nos sociétés. Et il y a eu, alors ça a été interrompu par le Covid, mais il y avait tout un mouvement fin 2019, début 2020, autour de ce qui a été nommé le Parlement de la Loire. Et donc, il y a eu toute une série de débats, de réunions. Moi, j'avais été conviée à l'un, il y a eu des juristes, il y avait la Tour qui était allée, pour se dire qu'on allait reconnaître la Loire aussi, un peu comme on avait fait du Whanganui. Donc est-ce que c'était sur un plan juridique, est-ce que c'était sur un plan politique, c'est tout ce qui est... Mais on voit comment ça revient dans notre culture. Le travail des anthropologues pour faire connaître... Je pense que ça a été très important. Je pense que de ce point de vue-là, je pense que les questions écologiques ont besoin de biologistes, de géologues, d'écologues, etc. Mais je pense que les anthropologues ont apporté énormément. Les anthropologues qui ont étudié des populations qui vivent dans un autre rapport au monde que l'Occident. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils peuvent nous amener à voir les choses autrement, ça c'est sûr. En tout cas, de ne pas les ranger dans un univers très lointain, folklorique. Voilà. Ni mis sous cloche. Et du coup, justement, découvrir que chez nous, on n'est pas dans l'homogène absolu. Je vais prendre un exemple de la Convention sur la biodiversité qui a été adoptée à Rio en 92. Qui pose l'importance qu'il y a à protéger la biodiversité. Il y a un paragraphe 8J très connu qui dit l'importance des savoirs locaux pour des pratiques traditionnelles pour préserver la biodiversité. On a tendance à penser que forcément c'est dans des pays exotiques. On oublie un peu que dans un pays comme la France, au début du XXe siècle, il y avait quantité de variétés, aussi bien d'arbres, de races bovines ou ovines, et que nous aussi on avait un savoir de la biodiversité, que une certaine agriculture industrielle qui s'est productiviste qui s'est développée après 45 nous a fait oublier. Donc nous aussi on a des savoirs locaux en fait à redécouvrir. Elles n'ont pas de main pour manier le monde, et pourtant il serait difficile de trouver des agents plus habiles dans la construction de formes. Les plantes ne sont pas seulement les artisans les plus fins de notre cosmos. Elles sont aussi des espèces qui ont ouvert à la vie le monde des formes. La forme de vie qui a fait du monde le lieu de la figurabilité infinie. Notre existence sur Terre est possible grâce aux plantes, c'est-à-dire le monde tel que nous les connaissons, les habitants, est possible parce qu'il y a des êtres qui le rendent habitable. Emmanuel Ecoccia. On sait que les plantes contribuent au taux d'oxygène à l'intérieur de l'atmosphère, garder l'oxygène autour du 20-22% dans l'atmosphère. Et surtout, les plantes, ce sont les êtres qui arrivent à capter la lumière solaire, l'énergie. Elles arrivent à les stocker sous forme de liants chimiques dans la chair minérale de la Terre et à les rendre disponibles, disposables pour les autres. Donc, les plantes relâchent de l'oxygène. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils nous disent une chose très importante là aussi. C'est-à-dire que, en fait, il y a un être vivant qui, même avant de commencer à agir, est capable de modifier son environnement, non seulement sur une échelle locale, mais sur une échelle globale. En fait, les plantes, par leur même existence, modifient non pas la niche écologique qu'elles habitent, mais l'atmosphère planétaire. Ils introduisent de l'oxygène et ils permettent à l'atmosphère de garder ses taux d'oxygène stables, qui est la condition de possibilité de l'existence des animaux, en fait. Or, cette chose-là nous donne une toute autre image du rapport entre environnement et vivant. Nous sommes habitués à penser que l'environnement est un a priori qui existe préalablement et qui existe de manière spontanée. Et que les rapports principaux, les rapports entre guillemets écologiques à l'environnement, est un rapport d'adaptation et de respect. En fait, il faut respecter l'environnement, il ne faut surtout pas les toucher, il faut s'y adapter. Or, l'existence de plantes nous dit, en fait, l'environnement est un artefact. Il est bâti, construit, designé par d'autres espèces pour d'autres espèces, en fait. Par les plantes, pas forcément pour nous, en fait. Donc, et que du coup, rentrer dans un espace entre guillemets naturel ne signifie pas devoir respecter quelque chose qui serait là par nature, juste négocier une place dans un espace qui a été conçu par d'autres en fait. Donc en fait, la planète n'est pas comme la maison qui héberge des vivants qui seraient arrivés après. La planète est au fond le cancer des vivants qui n'ont pas cessé de la modifier et de la rendre de plus en plus habitable, du moins pour une partie d'eux. cette image d'une terre qui serait ontologiquement, d'emblée, par essence, la maison qui nous accueille, c'est une image trompeuse et fausse, en fait. Il suffit juste de se projeter à un moment où la Terre est née. Il y a 4 milliards et demi d'années, la Terre est née. Et à ces moments-là, c'était l'enfer. C'était inhabitable. C'était juste inhabitable. Et comment est-elle arrivée à devenir habitable? C'était pas juste une évolution géologique qui a permis petit à petit de se transformer dans quelque chose d'habitable. C'était l'action sur des milliards d'années, jour après jour, de milliards de vivants appartenant à des milliards d'espèces qui ont ciselé, d'une certaine manière, massacrer cet environnement pour les rendre habitables, pour le transformer, pour l'améliorer, pour rendre leur vie possible, en fait. Tout vivant modifie à travers différents processus, à la fois plastiques, chimiques, l'espace qu'il habite. Nous ne sommes pas les seuls à modifier l'environnement. Toute vie est par elle-même, par une espèce de nécessité ontologique. Tout vivant est un remuement de la matière de Gaïa, en fait. Nous venons pas d'ailleurs, en fait. Nous sommes Gaïa en train de se coudre un nouveau visage et de modifier sa propre chair. Il y a de la vie parce qu'il y a la Terre. Et que c'est sur l'échelle planétaire que la vie peut être expliqué et pas sur l'échelle locale. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la vie, on ne peut pas se pencher juste sur cette bactérie, ces virus, ces chiens, ces chats, etc. Il faut élargir la perspective. Et ensuite que donc la Terre, la planète Terre, est le véritable sujet de ce qu'on appelle la vie. Le moi qui s'exprime dans tout vivant est la planète elle-même, en fait. La vie, c'est cette dialectique entre les vivants et les non-vivants, entre l'interaction entre le corps et son extérieur. Ouais. Et que la vie est au même titre dans les deux corps, en fait. Dans les corps du vivant comme dans les corps qui est en face de lui. Et le souffle, c'est un bon exemple pour illustrer ça. Le souffle, c'est peut-être, mais depuis toujours, a été un peu l'évidence de cette impossibilité de, au fond, de fermer la vie dans le périmètre corps anatomique du vivant. En fait, le fait qu'on respire tous les temps, ça montre que les vivants et cet étrange menuet qui matériellement permet au monde de passer à l'intérieur du vivant et au vivant de se transformer en monde. En fait, en respirant, on prend une portion du monde et on les transforme dans notre corps, et on transforme une portion de notre corps en mobilier du monde. Donc on produit l'évidence que la vie n'est pas d'un de deux côtés, la vie est cet échange dans les deux sens entre un vivant et les mondes, en fait, qui à vivre, au fond, ce sont les deux, toujours. Il y a un autre plan où l'évidence de cette nature planétaire du vivant se montre, qui est ce qu'on appelle l'évolution, en fait. En fait, on oublie que l'évolution nous dit une chose très belle, nous dit que tout vivant est une modification d'une espèce qui l'a précédée. Nous sommes par exemple juste des primates qui ont décidé d'opposer les pouces, de rapprocher un peu plus les yeux et de perdre un peu de poils, en fait. Ce qui veut dire qu'on garde toujours, chaque espèce garde en elle une partie des expériences de formes de vie qui l'ont précédée. Et que donc toute espèce, tout être vivant, est un patchwork de formes de vie, même ça, cela est évident d'un point de vue génétique, car si on regarde notre ADN, on peut y trouver toutes les traces de l'ensemble de formes de vie que la vie a dû traverser avant d'arriver à notre forme. Mais cela est même évident à chaque fois qu'on se regarde dans un miroir, on voit un nez, deux yeux, deux oreilles, une bouche, etc. Et ce sont des organes qu'on partage à cause de l'évolution, on partage avec des milliers d'autres espèces. Ça veut dire que l'expérience à laquelle notre corps nous donne accès, ce n'est pas humaine, c'est une expérience à la fois simiesque, poissonnesque, je ne sais pas. En fait, on vit une vie qui est déjà biodiverse, qui est déjà multispécifique. On est un zoo ambulant, On est un patchwork de vie qui se sont composées, qui vont se composer autrement. Et donc, notre corps lui-même nous donne une expérience qui est déjà au fond planétaire. On est des systèmes de recyclage perpétuels. On a recyclé une vie déjà utilisée. Et on continue en mangeant, en plus, on recycle la vie qui appartient à d'autres espèces. En fait. Donc moi, je suis les recyclages de la vie de ma mère et de mon père, et les recyclages d'un nombre de vies infinies, qui sont les, je sais pas, les vaches, les cochons, les tomates, les blés que j'ai mangés. En fait. Donc ma vie n'est pas du tout limitée, identitaire. Je suis une espèce de boucherie... perpétuelle qui rémue l'expérience et la vie passée. Un compost total de vie même humaine, donc c'est un peu glauque, mais c'est comme ça. Isabelle Stengers, pourquoi l'affaire des OGM a été l'occasion pour vous de mettre en avant la notion, le besoin de refaire sens en commun? J'emploie l'expression « refaire sens en commun ». Parce que faire sens en commun, c'est du collectif actif. On fait sens en commun autour d'un problème qui nous concerne. Pour certains, et notamment les politiques de la science et pas mal de scientifiques, le seul problème de cette affaire, c'est qu'elle ne se répète pas. Parce que ça a fait désordre, hein, et ça a fait bafouiller le progrès. Mais ça a été aussi justement un mouvement de coalition entre des gens qui s'opposaient aux OGM pour des raisons différentes. Les paysans et les marxistes, etc., c'était des raisons différentes. Ils ont fait sens en commun de la nécessité de s'opposer à cette chose, à cette fameuse innovation. Et ça, ça a été efficace. Justement parce qu'ils se rendaient intelligents les uns les autres. Parce que les uns, non seulement acceptaient les raisons des autres, mais dans une mesure, même si ce n'était pas leur propre raison d'entrer dans l'histoire, ben, je les comprenais, je les partageais. Par exemple, moi, je m'y suis intéressée parce que c'était vraiment le symbole de l'innovation au service de ce qu'on appelle du progrès, mais qui est avant tout de l'industrialisation et qui va désapproprier encore un peu plus les paysans de leur savoir et de leur et de leur rapport aux plantes, de leur rapport compétent aux plantes, attentif aux plantes. La monoculture est déjà quelque chose de fragile qui traite les plantes sont traitées, c'est des clones en fait. Enfin, pour toute une série de... Donc, à l'identique, et elles n'existent plus grâce au sol, elles peuvent être élevées hors sol, elles n'existent plus que par les pesticides et les engrais dont on les abreuve. C'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe sociale, et tout ça au nom du progrès scientifique, et du « on n'arrête pas le progrès ». Et ça a relancé complètement, pour moi, en France en tout cas, très nettement, un intérêt pour l'agriculture. L'agriculture est devenue un lieu d'avenir, un lieu où l'avenir se joue. C'est depuis qu'on parle d'agroforesterie, de permaculture, etc. en France. Donc, qu'est-ce que c'est un paysan? Qu'est-ce que c'est son rapport à la terre et aux plantes et son rapport à l'appareil industriel qui fait de lui un simple maillon? Et un maillon qui doit être, comme tous les maillons, le plus dépourvu de degré de liberté possible. Il doit obéir. Un maillon, c'est fait pour tenir deux autres maillons, quoi, c'est tout. On ne fait pas d'histoire quand on est un maillon. Donc, ça fait partie de cette espèce d'expropriation par des gens qui ont des pratiques, qui avaient des pratiques, d'expropriation de leurs pratiques, de leur savoir, de leur sens, de ce qui importe, et de les transformer en salariés virtuels, quoi. Donc pour moi, c'était politique au sens où j'entends notamment Marx a dit des choses extrêmement importantes, mais à l'exploitation, il faut ajouter l'expropriation des savoirs. Marx croyait un peu plus au progrès que nous ne pouvons le faire aujourd'hui et pensait que les savoirs qui étaient portés par les sciences, etc., étaient supérieurs aux savoirs dits traditionnels, et que donc tant pis, c'est perdu, c'est perdu. Hein. Eh bien non, on ne peut plus accepter ce genre de perte aujourd'hui. Surtout que Marx n'a pas pensé la colonisation. Et là, c'est vraiment des cultures de savoir et de pratique qui ont été détruites en même temps que les gens. Donc, on ne peut plus accepter cette dimension-là et viser simplement à une fin de l'exploitation sociale. Donc, pour moi, c'était vraiment un de ces endroits où les marxistes peuvent apprendre à penser en plus de l'exploitation, penser en plus de cette catastrophe de l'écologie des savoirs qui est le fait du capitalisme. Ça s'appelle faire sens en commun, c'est-à-dire qu'on reste différent, on n'est pas réunis par un même sens commun, on reste avec des priorités et des intérêts différents, mais on accepte que le même problème autour duquel on se réunit puisse importer autrement à quelqu'un d'autre. Donc on fait sens en commun, au sens où là on peut commencer à discuter stratégie, coalition, etc. Ce qu'on peut faire, c'est travailler avec d'autres à produire des savoirs et des pratiques et des habitudes de pensée qui pourraient être utiles aux générations prochaines, qui auront à affronter. Qui auront à affronter un monde où les choses iront de moins en moins de soi. Le nombre de gens qui pourront s'attendre à tout et à n'importe quoi ira en augmentant. C'est ce que j'appelle la débâcle, vous savez, le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, j'ai vu en période de débâcle, c'est très intéressant. C'était une surface assurée, on pouvait marcher. Le fleuve canadien, oui, est très large, c'est pour ça que je pense à lui. Et puis, tout à coup, des fissures. Et puis, tout à coup, plus question de marcher, parce qu'une plaque peut basculer. Et puis, les plaques se mettent à rentrer en friction, et il y a ce bruit sourd. Et c'est ça la débâcle, quoi. On ne peut plus compter sur ce sur quoi on comptait avant. Donc il faut penser partout. Donc il faut faire attention partout. Or, on ne fait pas attention tout seul. Donc il faut des collectifs capables de penser, de s'entrallier, de fabriquer des mondes plus restreints, mais où ils ne sont pas totalement dépendants institutions qui sont devenues irresponsables. Donc, c'est cette reprise en main, au fond, par des moyens nouveaux, mais c'est pour ça que je me sens vraiment en communauté avec les activistes, genre Notre-Dame-des-Landes, cette réappropriation des pratiques concrètes, malgré l'État, et s'il faut, contre l'État, cette résurgence des communs, pour moi, c'est quelque chose qui ne sauvera peut-être probablement pas la planète, mais qui fera qu'on ne basculera pas tout simplement dans ce que j'ai appelé la barbarie. C'est que là, on a encore un peu de temps pour cultiver ces modes de pensée pratique collective, politique. On peut créer cet humus culturel qui au moins débarrasse de cette stérilité qu'on peut souvent associer aux sciences sociales humaines et aux experts qui ne pensent que par des statistiques sur des grands nombres, sur des classes, sur des généralités. C'est pour ça que je suis anarchiste, pas par doctrine, mais par nécessité pratique. La création de collectifs un peu partout est vraiment quelque chose qui peut nous sauver de cette homogénéisation à laquelle la société française et d'un point de vue plus général, la modernité nous appelle, parce que c'est justement remettre la diversité sur le devant de la scène. Ça veut dire qu'ici, on va pouvoir créer un collectif avec les êtres de ce milieu particulier, qui peuplent ce milieu particulier, mais que à 200 km, dans une forêt au bord de la mer, on va pouvoir créer un collectif avec d'autres entités, et les modes de relation vont être sensiblement différents, et on va se retrouver avec une multitude de collectifs qui peuvent réinformer, re-remplir, rediversifier notre rapport au monde. Et ça, je pense que ça serait quelque chose d'extrêmement positif et joyeux. Parce que la diversité est très joyeuse. Plus on a d'êtres auxquels se relier, plus on sait qu'on est agi par des puissances autres, et que quelque part, non, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, que oui, les entités non humaines sont potentiellement en mesure de faire dévier nos trajectoires et nos existences. On le voit bien aujourd'hui avec le virus. Le virus a fait dévier nos trajectoires et nos existences. C'est une entité non humaine. Eh bien, ce savoir-là, plutôt que de terroriser et de faire peur, il peut être l'objet, comme c'est le cas dans les sociétés pour les collectifs indigènes, en relation avec des puissances d'agir, avec des animaux par exemple, qui sont toujours plus que ce que l'on croit qu'ils sont. En fait, ce savoir-là peut devenir un outil de réflexivité, un outil de créativité incroyable, parce qu'on est toujours en train de se reposer la question des êtres qui nous entourent. Et l'idée, c'est évidemment pas de dire nous allons tous ici redevenir animistes et demain je vais monter sur le glacier et je vais aller lui tenir un dialogue sur la composition de notre monde. C'est vraiment pas ça. Et moi-même qui suis, habituée à la pensée animiste et à des gens qui n'ont aucun problème à parler avec des animaux, à parler avec les âmes des animaux en rêve et ou pendant la chasse, moi-même, j'aurais du mal à faire ce pas-là de dire tiens, je vais aller parler au glacier, parce que je suis le produit aussi d'un cadre ontologique, d'une manière d'être au monde qui m'a appris que on ne peut pas parler à un glacier. Donc c'est très difficile. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible de recréer des ponts entre ce que ces collectifs indigènes nous apprennent, eux qui n'ont absolument aucun problème à faire des rituels à destination des montagnes et des glaciers, à destination des entités invisibles, esprits ou autres qui sont réputés les habiter, pour concourir à la santé relationnelle du milieu dans lequel ils habitent tous. C'est quelque chose qui relève du domaine de la normalité, quelque part. Et pour nous, ça ne l'est absolument pas, puisque le glacier est une entité extérieure tellement différente de moi qu'aucun dialogue n'est possible. Entre ces deux spectres extrêmes, je pense qu'il est possible de recomposer quelque chose, de retisser les liens d'une histoire qui ne serait certes pas celle des animistes, mais qui serait différente de celle qu'implique le cadre naturaliste qui en sert nos relations au monde. Là, on est justement dans un moment où il faut remettre en mouvement ces relations. Comment on retisse des liens différents? Eh bien, ça peut produire des choses absolument fantastiques, de l'ordre de Aldo Léopold en 1944, qui est assis sur le flanc d'une montagne et qui entend le hurlement d'un loup déferler sur la montagne et qui se pose la question des résonances de ce hurlement de loup, tant pour la forêt, pour la montagne, pour les cerfs, pour la prairie, pour lui-même, etc. C'est vraiment ça l'idée, en fait, c'est d'arriver à se mettre dans une posture où on peut suspendre le pas pour se laisser affecter par ces entités qui nous entourent. Et si on se laisse affecter, du même coup, on va se rendre compte que, ah oui, ce sont des puissances d'agir. Ce sont peut-être bien des êtres et des personnes au même titre que moi, puisque je suis affectée par elles. Donc elles me changent à l'intérieur de moi. Ce trajet-là, ce chemin-là, c'est un chemin politique, en fait. C'est un chemin politique parce que ça permet de recréer du commun avec des êtres beaucoup plus divers que les seuls humains. le fait d'intégrer des entités non humaines à un collectif particulier, ce que ça créera, je n'en sais rien, on n'en est pas là. Est-ce que, comme en Nouvelle-Zélande, à un moment donné, on sera potentiellement en mesure de déclarer le glacier et ou la montagne et ou la rivière et ou la forêt sujet de droit? Je l'espère. Pour l'instant, en France, on n'en est pas là. Mais déjà, là où on peut s'en tenir, c'est ce moment, ce processus de peut-être non seulement de décalage face à l'ontologie qui nous a fait, mais même de métamorphose d'une manière d'être au monde qui n'est plus pertinente face aux métamorphoses écologiques que nous expérimentons tous et qui mettent à mal nos existences. Nos existences à tous, l'existence du glacier, l'existence des animaux qui peuplent ce milieu montagnard, l'existence des humains qui y habitent, etc. Lorsqu'un collectif, là je parle humain, décide de changer de manière de se relier au monde, le monde change avec ça. C'est en ça que c'est politique. C'est en ça que la question de l'ontologie, de la manière de se rapporter, de se relier au monde, est une question éminemment politique. Parce que c'est sur quelle base on compose un monde commun au sein duquel vivre. La crise actuelle, c'est ça qu'elle est en train de potentiellement faire de très positif, c'est qu'elle permet à des affects et à des relations très très anciens de remonter à la surface, d'être réactualisés. Et si on arrive à les saisir au vol, c'est là qu'on peut potentiellement retisser des mondes communs plus accueillants et plus divers. C'était penser à travers champs et renouveler notre rapport collectif au monde. Avec Isabelle Stengers, Catherine Harrer, Emmanuel Ecocha, Nastassia Martin. Les textes de Bruno Latour, extraits de Face à Gaïa, conférence sur le nouveau régime climatique, et les textes d'Emmanuel Ecocha, extraits de La vie des plantes, une métaphysique du mélange, ont été lus par Hélène Losseur. Un grand merci à Vinciane Després, à Charles Stepanov et à Frédéric Haït-Touati. Prise de son Yves Lehors, Thibaut Nassimben et Stéphane Beaufils. Mixage Claude Niort. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Diffy Mariani. Philosophe, bande de potes, amis, camarades, compagnons ou vieilles copines, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter sur la colline, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, nous irons faire du surf, ça nous fera le plus grand bien. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, toute une vie et l'expérience. Je commence le livre par la fin, et je le montre au pour rien. C'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Fais semblant d'avoir tout compris.